Bonjour et bienvenue dans le train IDESAP Bordeaux-Paris. Place 3, c'est ici. Bonjour, je m'appelle Oscar. Et vous ? Bonjour, je m'appelle Boris. Et voilà Julia, ma femme. Bonjour. Vous êtes français, Oscar ? Non, je suis suédois. Et vous ? Moi, je suis russe et Julia est italienne. Oui, et j'ai 63 ans aujourd'hui. Ah, joyeux anniversaire. Place 4, c'est là. Bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Julia. Et voici Boris. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Moi, c'est Daniela. Et voilà Alberto. Bonjour, tout le monde. Et toi, comment tu t'appelles ? Adelina. Pardon ? Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Adelina et elle a 8 ans. Adelina, c'est français ? Non, c'est mexicain. Elle est mexicaine et nous aussi.